Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et nous allons finir cette émission de Futur Simple sur la recherche du bonheur. Sommes-nous heureux? Nos proches sont-ils heureux? Et si on est heureux, c'est dû à quoi? Alors, Mustapha Lahr s'est penché sur la question. Bonjour, Mustapha. Bonjour. Alors, Mustapha, alors si on te pose la question, es-tu heureux? Qu'est-ce que tu vas dire? Ben, je dirais que c'est une bonne question et pour y répondre tout de suite, je dirais que ça dépend des moments. Donc, cette question est posée souvent, justement, et puis souvent, elle reste peut-être sans réponse. Et on sait que l'homme a toujours couru après le bonheur, il l'a cherché par tous les moyens et parfois sans vraiment l'atteindre. Uh-huh. Et puis, c'est là que peut-être la science, elle peut peut-être intervenir. Et on le voit que l'incursion de la science dans la recherche du bonheur peut prendre plusieurs formes. Et c'est diverses approches pour comprendre, pour expliquer ou encore essayer directement, pourquoi pas, procurer le bonheur. Et aujourd'hui, je vais vous détailler deux exemples pour démontrer cette incursion de la science dans le bonheur. Alors, commençons tout de suite avec le premier exemple. Qu'en est-il? En préparant cette chronique, je me suis rendu compte que le bonheur, il était jadis plus le monopole des philosophes, des poètes ou encore les psychanalystes. Mais il suscite de plus en plus l'intérêt maintenant des scientifiques et plus particulièrement ceux qui travaillent dans le domaine des neurosciences. Et ça a commencé un peu avec les années 70. Et le premier exemple justement dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la musique. Parce que on sait tous intuitivement qu'il y a des musiques plutôt tristes et d'autres qui sont plutôt joyeuses. Par exemple, pour récemment, on connaît la dernière chanson d'Adèle, Hello. On ne peut pas dire vraiment concernant cette chanson que c'est une chanson entraînante pour danser jusqu'aux dernières heures de la nuit. Mm-hmm. Et de l'autre côté, inutile pour moi de vous chanter la mélodie du bonheur pour vous prouver à quel point elle porte bien son nom. Vous allez me dire alors, c'est quoi le rapport entre la musique, la science et le bonheur? Et vous aurez tout à fait raison de me poser cette question. Et ce que je vais vous répondre dans ce cas-là, c'est que il faut savoir que l'effet procuré par la musique, ça va au-delà de la simple impression qu'on a personnellement vis-à-vis de cette musique. Ça dépasse cette impression que c'est une musique joyeuse ou triste et que cette impression est toujours personnelle. Et en fait, selon le Daily Mail, il y a un chercheur hollandais du nom de Jacob Jolitsch qui a déterminé une équation mathématique qui définit les musiques qui procurent le bonheur et y a greffé un indicateur, le FGI, pour Feel Good Indicator. Et je ne vais pas vous détailler aujourd'hui l'équation qu'il a trouvée parce qu'elle est assez complexe avec des sommes, des puissances au carré, plusieurs divisions, d'autres soustractions, des additions, etc. Mais globalement, ce que je peux vous dire, c'est que l'équation, elle fait intervenir trois composantes principales. La première, c'est le facteur L pour lyrics, c'est-à-dire les paroles positives. Mm-hmm. Plus il y en a, plus le FGI, donc le Feel Good Indicator, va être élevé. Deuxième élément, c'est le BPM ou le beat per minute ou encore le tempo. Selon ce chercheur, il faut un minimum de 150 BPM pour qu'on commence à avoir des chansons joyeuses. Et troisièmement, c'est le facteur K, qui représente le recours à une tonalité majeure. N'étant pas musicien moi-même, je serais incapable de vous dire ce que c'est une tonalité majeure et mineure. D'accord. Et quelle musique alors procure le plus de bonheur? Alors, ce que le chercheur a trouvé dans ses études il a publié en fait un top 10 des chansons du bonheur. C'est-à-dire celle qui affichait le plus grand score FGI. Oui, alors allons-y. Au niveau de la meilleure chanson du bonheur, celle au sommet du top 10, c'est Don't Stop Me Now de Queen, qui est sortie dans les années 70. Il a fait aussi un top 10 similaire, mais par décennie, en appliquant sa formule mathématique. Et pour les dernières décennies, c'est-à-dire les années 2010, Happy de Pharrell Williams était celle qui arrivait au top 10. Je ne sais pas s'il y a un rapport entre le nom de la chanson ou si Pharrell était dans les secrets des dieux pour appliquer cette équation à l'avance, mais en tout cas, c'est celle qui est arrivée au top 10 pour les dernières décennies. Et pour la musique, on voit bien à quel point les mathématiques et les neurosciences tentent de rationaliser le concept de bonheur. Mais je suppose que ça ne va pas s'arrêter là et que d'autres sciences ont emboîté le pas aussi. Oui, tout à fait. Et je voudrais évoquer avant d'aller plus loin là-dessus, c'est deux points intéressants c'est que j'ai trouvé aussi en préparant cette chronique et que je voudrais partager avec vous. C'est tout d'abord qu'il y a un journal scientifique qui s'appelle The Journal of Happiness Studies, qui est édité tous les deux mois depuis les années 2000. Ah bon? Et on y trouve vraiment toute une pléiade de sujets divers et variés sur le bonheur. C'est un journal scientifique spécialisé du bonheur. Sur le bonheur. Et ça peut aller de l'approche économique du bonheur chez les migrants, jusqu'à l'effet du bonheur sur l'état de santé des gens, ou encore la part de la bourse et des marchés financiers dans le bonheur des Chinois. Et autre fait marquant aussi que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que j'ai trouvé aussi que depuis l'année 2009, il y a une certaine marque de boissons gazeuses très, très connue, dont le slogan, ou parmi ses slogans, c'est « Du bonheur pour tous, un bonheur n'arrive jamais seul » ou encore « Ouvre un bonheur ». Si vous ne l'avez pas deviné par ces slogans, c'est pas le soda bleu, c'est l'autre. Okay. Donc, cette marque-là a même financé la création d'un observatoire du bonheur en France, et dont la mission, c'est de collecter, analyser les différentes représentations, les différentes données sur le bonheur pour mieux le comprendre. D'accord. Et si on revient à la science, le lien entre la musique et les mathématiques était ton premier exemple, oui. Mais quel est ton deuxième exemple? Le deuxième exemple que je veux vous détailler aujourd'hui, avant... Puis je ferai une petite précision, en fait, c'est parce qu'on doit savoir que le bonheur, ou ce que l'on considère comme bonheur, c'est le résultat des interactions d'un cocktail de molécules chimiques et d'hormones, et notamment quatre principales, dont la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine et l'endorphine. Donc, a priori, le cerveau, par le biais de son système sécrétoire, c'est lui qui est responsable du bonheur. Toutefois, les chercheurs, convaincus de l'existence d'un gène du bonheur, ils ont investigué cette voie-là pour trouver une origine génétique du bonheur. Et ils ont fait ça en commençant tout un tas d'études développées sur la sérotonine. Et pour faire une histoire courte, la sérotonine, elle est sécrétée d'un neurone A vers un neurone B. Toutefois, les neurones A sécréteurs disposent d'un transporteur à la sérotonine qui recapture cette sérotonine, il la piège et l'internalise de nouveau dans ce même neurone A. Et c'est justement le gène qui code pour ce transporteur qui serait en fait le gène du bonheur ou le gène de la dépression. Et en effet, c'est ce gène en particulier qui est ciblé par le Prozac, le fameux antidépresseur. Donc, il y a plusieurs études qui se sont engouffrées par la suite dans ce type d'études, et il a été démontré qu'il y a un polymorphisme au niveau de ce gène. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a deux versions du gène. Il y a des gens qui ont une copie courte de ce gène, et il y en a d'autres qui ont une copie longue. On parle alors en génétique d'un allèle. Donc, il y a des gens qui ont un allèle long, et il y en a d'autres qui ont un allèle court. Et sans trop entrer dans les détails, il faut savoir que les gens qui ont des allèles courts seraient plus prédisposés à la dépression comparativement aux gens qui ont des allèles longs. Et curieusement, la prépondérance de ces allèles varie selon les pays. Exemple, chez les peuples caucasiens, on va dire, il y a une plus grande fréquence des allèles longs. En général, on parle de 40% de courts et 60% de longs. Alors que chez les Asiatiques, c'est l'inverse. On est censé alors trouver... Donc, plus de dépressifs chez les Chinois ou les Japonais. Or, c'est pas le cas. Toutefois, les pays scandinaves qui sont connus d'être plus heureux, eux, ils sont plus heureux, mais en même temps, ils ont plus d'allèles longs. Et un autre exemple qui peut contredire toutes ces études, c'est que les pays occidentaux sont les champions de la consommation des antidépresseurs, même s'ils ont les allèles qui ne les prédispose pas a priori pour être dépressif. D'accord. On voit que l'Islande, par exemple, dans les classements, c'est un pays du Nord, mais pourtant, c'est lui qui consomme le plus d'antidépresseurs. Et le Canada arrive troisième, par exemple. Et pour conclure rapidement, Moustapha, un mot pour résumer l'apport de la science dans le bonheur? Donc, pour conclure, je dirais que la recette du bonheur n'est pas vraiment fixe ou préétablie. Ce qui en ressort, en grosso modo, c'est qu'il y a... une partie intrinsèque qui est due au vouloir, à la conscience et à la volonté d'être heureux. C'est détaillé dans toutes les études psychologiques. Il y a eu aussi une partie extrinsèque liée plutôt à l'environnement, notre culture, la religion, la famille, etc. Et la troisième composante qui, elle, probablement est physiologique avec le cocktail des quatre neurotransmetteurs dont je vous ai parlé. Et une petite partie aussi qui vient du génétique, avec le transporteur de la sérotonine qui se manifeste sous la forme des allèles longs et les allèles courts. Mais je ne parlerai pas d'un tiers, un tiers, un tiers, car le propre de la science, c'est de quantifier et de mesurer, alors que le bonheur reste un concept abstrait et non tangible. Je pense que les proportions doivent changer d'une personne à une autre. Mais pour vraiment conclure, je voudrais finir avec cette citation de Platon, qui disait « Ce n'est pas vivre selon la science qui procure le bonheur, ni même de réunir toutes les sciences à la fois, mais de posséder la seule science du bien et du mal. » Mais il y a aussi un élément dont tu n'as pas parlé, Mustapha, la richesse. En plus du bonheur, les gens semblent aussi être en quête de toujours plus de richesse, comme si l'un allait avec l'autre. Et pourtant, comme le dit l'adage, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais il y contribue.